Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. La semaine dernière, nous avons fait une incursion en Afrique avec des chercheurs africains qui nous ont parlé de solutions contre la malnutrition ou d'études de langue en péril. Alors, on va continuer aujourd'hui cette incursion en terre africaine. Il sera aujourd'hui question de production d'électricité et de l'apprentissage de la programmation informatique au primaire. Donc, deux thématiques qui sont également présentes au Québec, mais qui sont probablement traitées de façon différente. Je suis donc pour commencer en compagnie de Rita Jimé Gianze, qui est étudiante au doctorat en didactique de l'informatique à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun et qui est également technopédagogue. Bonjour Rita. Bonjour Valérie. Alors, il y a au Québec aussi des discussions et des projets pour enseigner la programmation de l'informatique au primaire. Donc, on va voir ce qu'il en est au Cameroun. Auparavant, Rita, dites-moi, vous êtes étudiante en didactique de l'informatique. Vous étudiez quoi en fait? Effectivement, je suis étudiante en didactique de l'informatique. La didactique s'appuie sur la mise en œuvre d'un ensemble de techniques et de méthodes pour faciliter le processus enseignement-apprentissage, c'est-à-dire les méthodes qu'il faut mettre en œuvre pour que l'apprenant puisse apprendre facilement et rapidement une notion particulière. Donc, c'est ça la didactique. Maintenant, la didactique de l'informatique, c'est la didactique associée à l'informatique. Vous voyez un peu. Donc, là, maintenant, c'est la didactique de la discipline. Et la discipline, ici, c'est l'informatique. D'accord. Et au Cameroun, en fait, c'est enseigné, donc l'informatique est enseignée à quel niveau? Au secondaire? À quel niveau? Alors, en ce qui concerne l'école primaire, on a inséré, le ministère de l'Éducation de base a introduit la programmation de l'informatique à partir de 2018. C'est à partir de 2018 qu'on a intégré l'algorithmique et la programmation au primaire. Mais bien avant, ça avait déjà été intégré au secondaire, en classe de première et terminale. Vous voyez un peu. D'accord. Oui. Donc, en classe de première et terminale, pour faire un parallèle au Québec, ce serait dans les classes du cégep, ce qu'on appelle le cégep. Donc, ça fait déjà plusieurs années que c'est enseigné au secondaire. Et là, 2018, il y a des projets pour l'enseigner au primaire. Pourquoi est-ce qu'il faut enseigner la programmation si jeune? C'est quand même jeune au primaire pour enseigner déjà des notions de programmation. Alors, vous savez déjà, quand je regarde la loi d'orientation de l'éducation au Cameroun, un article stipule qu'il est important pour l'éducation de se conformer au développement des technologies, au développement, aux avancées technologiques. Et dans les avancées technologiques, il y a l'informatique. Et dans l'informatique, l'informatique a plusieurs domaines parmi lesquels la programmation informatique. C'est un domaine qui prend de plus en plus de l'ampleur. Parce que vous voyez, avec l'avancée des smartphones, des téléphones et tout ça, on a remarqué que les enfants passent plus leur temps à juste les manipuler. Ils ne se demandent pas comment est-ce qu'on fait pour développer ces applications, comment on fait pour créer ces logiciels qui sont utilisés par eux-mêmes pour jouer. Alors, j'emboîte le pas pour dire que la programmation informatique développe véritablement plusieurs points chez l'enfant. Le premier point, c'est l'ingéniosité, parce que à travers la programmation informatique, l'enfant développe une certaine habileté. En plus de l'ingéniosité, il y a la logique, parce que quand on parle de programmation informatique, on parle de l'algorithmique. Et l'algorithmique, le but, c'est de faire quoi? C'est de résoudre un ensemble de problèmes étape par étape. Ça veut dire que l'enfant apprend, lorsqu'il est initié à la programmation informatique, à résoudre un problème qui lui est donné de façon séquentielle. Vous voyez un peu. Il organise sa pensée et en plus de cela même, avec l'évolution même de l'éducation, l'enfant ici n'est plus considéré comme un réceptacle, celui qui va juste recevoir les enseignements de l'enseignant. Non, lui-même, par la pensée critique, par la faculté de raisonnement, lui-même peut se poser les bonnes questions. Face à tel problème, comment je peux réagir? Comment je peux procéder pour obtenir la solution au problème qui m'est posé? Et plus encore, même ce qui est exceptionnel et important, c'est que le fait d'initier l'enfant à ce domaine-là très tôt entraîne une certaine interdisciplinarité avec les autres disciplines. Oui. Vous voyez un peu, en français, on parle de la logique, en mathématiques, c'est la logique, c'est le raisonnement. Dans la vie, il sera confronté à des problèmes et maintenant, il va falloir se remuer les méninges pour dire, je fais comment face à ce problème? Je prends quel élément? J'associe quoi ensemble pour me permettre de résoudre le problème? Oui, oui. Donc, on voit que c'est l'apprentissage de l'informatique, de la programmation, mais en même temps, c'est le développement d'un esprit aussi, de la logique qui peut être appliquée pour d'autres activités de la vie courante. Et là, la question qui se pose pour enseigner l'informatique, comme ça, la programmation aux élèves, c'est que ça prend quand même certaines ressources matérielles quand même. Normalement, parce que l'informatique est plus une, c'est une discipline basée sur objet, en fait. C'est une discipline objet, elle a besoin d'un ensemble de matériaux ou de matériel, autant pour moi, pour pouvoir être appréhendé. C'est une discipline pratique à près de 90%. Voilà. Donc, Mais c'est un enjeu de donner accès à tout le matériel informatique à beaucoup d'élèves dans toutes les écoles, parce que ce n'est pas forcément le cas partout, quels que soient nos pays. Effectivement, c'est un véritable défi dans l'éducation au Cameroun. C'est vrai, l'État fait déjà beaucoup de choses, mais en fait, il faut encore améliorer. Il faut encore améliorer parce qu'il y a des établissements qui n'ont pas de salle informatique. Ce qui fait qu'à l'école primaire, ces notions-là sont lésées, vous voyez un peu. Et même encore, les enseignants, même parfois dans les énierges, c'est-à-dire les écoles normales des instituteurs, ne sont pas suffisamment outillés pour enseigner ces notions de programmation et d'algorithmique. Oui. C'est ce que je me demandais aussi, parce qu'il faut aussi que les enseignants eux-mêmes soient outillés, soient au courant de la programmation informatique, Exactement. Que ce soit une discipline qu'ils maîtrisent. Et ensuite, il faut développer des outils pour enseigner cette discipline-là. Effectivement. Et quand vous parlez même d'outils, Valérie, les outils même pour développer, pour permettre à l'enfant d'appréhender cette notion, c'est les outils informatiques tels que l'ordinateur, tels que les logiciels, tels que les tablettes. Vous voyez, il faut le courant, il faut l'électricité pour pouvoir les alimenter. Exact. Effectivement, donc c'est un véritable défi qui est en train d'être relevé par les différents organismes adéquats par rapport à ça. Et aussi, la place de l'enseignant est très importante parce qu'il ne doit pas attendre que l'État apporte le nécessaire. Non, c'est pour ça qu'on parle de matériel didactique concret et matériel didactique semi-concret. Ça veut dire quoi? Si l'enseignant, l'instituteur se trouve dans un établissement où il n'y a pas de salle d'informatique, il n'y a pas de tablette, il doit faire comment? Jusqu'à la fin de l'année, il doit faire le bilan pour dire, voici le programme qui m'a été remis. Est-ce que j'ai atteint les objectifs? Est-ce que les compétences pour lesquelles, est-ce que les compétences que doivent acquérir les enfants, est-ce que ces enfants les ont à la fin d'une année scolaire? C'est pour ça donc qu'il peut user des planches, vous voyez, il peut user des planches qu'il pourra dessiner, c'est-à-dire matérialiser les ordinateurs, des dessins qu'il va distribuer aux enfants. Mais ensuite, il faut que les élèves puissent mettre en pratique ce qu'ils ont vu. Effectivement. Il faut qu'ils puissent mettre en pratique. Et dans le cadre même de l'algorithmique et de la programmation informatique, dans les établissements qui n'ont pas de salle informatique, on statue plus sur l'algorithmique, c'est-à-dire la possibilité que l'enfant a à écrire un algorithme. Là, en fait, l'algorithme s'écrit de façon littérale. Ouais. Vous voyez un peu. Alors que dans la programmation informatique, il faut utiliser un langage de programmation. Il faut être devant une machine. Ouais. Mais déjà, si l'enfant maîtrise les notions d'algorithmique, ça développe déjà ces notions-là. Ce qui fait que quand il va être dans un milieu au secondaire, à l'université, il aura l'ordinateur devant lui, un langage de programmation. En fait, ses schémas mentaux vont juste tout ce qu'il aura emmagasiné va revenir à la surface. Et là, il va dire, oui, ce que j'avais vu au primaire, là, c'est en fait ça. Je change juste avec un langage de programmation. Voilà. Comment réagissent les enseignements au primaire face à cette tâche d'enseigner cette discipline? Quand je faisais mes recherches, après avoir fait une interview sur certains enseignants, certains avec des craintes. Ils avaient des craintes parce que déjà, ils n'ont pas été formés. Ils avaient ces bases-là qu'ils n'avaient pas pour enseigner ces notions-là. Par contre, D'autres qui se faisaient former, vous voyez un peu, ils trouvaient que c'était un élément qui était véritablement adéquat dans le siècle présent, indispensable pour l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant ne peut plus évoluer sans l'informatique, sans être initié à la programmation informatique. Mmh. Et vous voyez, pour apporter des éléments, pour aider davantage l'État, on peut mettre sur pied même des centres d'incubation technologique, des camps de vacances en informatique, parce que la responsabilité n'est pas seulement aux enseignants ou à l'État, mais aussi aux parents. Ils doivent comprendre que c'est nécessaire pour leur enfant d'être initié très tôt à ces domaines-là. Mmh. L'informatique, c'est l'avenir, c'est le présent, c'est l'avenir. On ne peut plus vivre sans ça, en fait. On ne peut plus. Non, c'est vrai. Effectivement. Et les enfants eux-mêmes, juste en terminant rapidement, les enfants eux-mêmes, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils plongent dans la programmation de la formation? Oh là là, à ça, l'informatique est un domaine qui passionne les enfants. C'est un domaine, oui. Moi, je dis souvent que j'ai une citation que j'ai donnée personnellement. En chacun de nous, sommeille une âme informatique. Je peux vous dire, même une grand-mère qui n'a jamais touché l'informatique, le jour qu'elle est devant un ordinateur et qu'elle manipule, elle est toute en joie parce que ça véhicule quelque chose. Vous voyez un peu, l'informatique est un domaine, les technologies sont des domaines véritablement qui, en chacun de nous, ça sommeille. Il faut juste que l'apprenant soit dans l'environnement adéquat et ça va exploser. Moi, par exemple, je forme des enfants en programmation informatique. Vous voyez un enfant, vous prenez, après 3 séances de programmation, il commence à faire des choses extraordinaires. Ouais. Il n'a jamais appris ça, mais commence à comprendre les notions de structure conditionnelle. C'est juste magnifique. Mmh. En tout cas, on vous sent très enthousiaste avec ces questions de l'enseignement, de la programmation, de l'informatique. Et j'imagine que vous êtes capable aussi de transmettre cet enthousiasme à vos élèves aussi. Effectivement, effectivement, Madame Valérie, effectivement. Ben, merci beaucoup, Rita. C'était vraiment très intéressant d'entendre parler de l'enseignement, de la programmation de l'informatique sur un autre continent, de voir un peu comment ça peut se passer par rapport à ici au Québec. Alors, merci beaucoup, Rita. Merci beaucoup, Valérie. Nous étions en compagnie de Rita Jimeli-Tianze, qui est donc étudiante au doctorat en didactique de l'informatique à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun et également technopédagogue. Alors, on va rester avec au Cameroun avec Yvette Joa, qui, elle, est étudiante au doctorat à l'université de Maroua dans le nord du Cameroun. Et vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux entrevues, car Yvette va nous parler de l'approvisionnement en électricité. Et comme Rita l'a dit, sans électricité, il n'y a pas d'informatique. De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va rester au Cameroun avec Yvette Joa, qui est étudiante au doctorat à l'université de Maroua, c'est dans le nord du Cameroun. Bonjour Yvette. Bonjour Valérie. Alors Yvette, vous êtes étudiante en économie et votre projet porte sur le système de production d'électricité au Cameroun, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, dites-moi, Yvette, au Québec, l'électricité est produite à 95% par des barrages hydroélectriques. Quel est le système de production d'électricité au Cameroun? Est-ce que c'est du charbon? Est-ce que c'est de l'électricité, de l'éolienne? Comment ça marche? Bon, au Cameroun, 73% de l'électricité est produite à base de l'hydroélectricité. 73%. Le reste de 27% est produite, et c'est reparti ainsi qu'il suit, 20% d'électricité produite à base des centrales thermiques à l'aide du gaz et du pétrole, et le reste, ce sont des productions à base de l'éolienne, du solaire et de la biomasse, mais à des pourcentages très réduits. D'accord. Donc, 73% d'électricité, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des lacs quelque part pour produire cette hydroélectricité? Donc, le Cameroun possède le deuxième plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique, après la République démocratique du Congo. Donc, nous avons un potentiel hydraulique énorme. D'accord. Et qui gère la production d'électricité au Cameroun? Est-ce que c'est des entreprises privées? Est-ce que c'est une société d'État? C'est une entreprise privée dénommée INEO. avec à capitaux publics minoritaires, c'est-à-dire l'État est un actionnaire minoritaire. Et quelle est la fiabilité du réseau? Est-ce que est-ce qu'il y a de l'électricité qui va un petit peu partout dans les différents coins du pays? Est-ce que les gens dans les villages ont accès à l'électricité? Bon, au Cameroun, en moyenne, 60 personnes sur 100 ont accès à l'électricité. Mais bon, il y a une disparité entre les zones rurales et les zones urbaines. Par exemple, en zone rurale, 93 personnes sur 100 ont accès à l'électricité. Par contre, dans les zones rurales, seulement 27 personnes sur 100 ont accès à l'électricité. Donc, en zone rurale, vraiment, l'accès n'est pas vraiment à grande échelle. Oui, d'accord. Et est-ce que le réseau est fiable ou est-ce qu'il y a des coupures? Bon, le réseau aussi n'est pas fiable. De façon pratique, les coupures, le réseau électrique est marqué par des coupures électriques qui durent plus de 5 heures par jour. Et généralement, ça peut se produire 3 fois par semaine. Effectivement, c'est pas très pratique. Ouais. Donc ça doit nuire quand même aux ménages et aux industries aussi, au commerce ou enfin, au travail. Oui, bon, ces coupures électriques, vraiment, elles appauvrissent les entreprises. Parce qu'à travers nos études, nous avons réalisé que ces coupures appauvrissent les entreprises, elles réduisent leur coût de production de 5%. Vous voyez, donc elles augmentent les coûts de production de 5% et diminuent le revenu des entreprises. Donc, c'est vraiment bon. Elles réduisent les marges bénéficiaires des entreprises. Bon, au niveau des ménages, elles empêchent aux élèves de réviser leurs leçons, aux ménagères de conserver les denrées alimentaires. Et est-ce qu'il y a des solutions, des stratégies qui sont envisagées pour réduire ces coupures? Oui, en cas de panne d'électricité, au Cameroun, beaucoup, 8 entreprises sur 10 utilisent le groupe électrogène. Bon, c'est une bonne solution au niveau de la production parce qu'elle permet la continuité de la production, mais au niveau des bénéfices, elle réduit les marges bénéficiaires des entreprises. Bon, c'est une étude que nous avons menée. On s'est rendu compte que l'usage du groupe électrogène, oui, ça permet aux entreprises de continuer leur production, mais ça réduit leur marge bénéficiaire. Bon, on se rend aussi compte que comme les coupures sont maintenant un peu plus nombreuses, beaucoup de ménages, bon, déjà, on peut déjà dire, 3 ménages déjà sur 10 utilisent aussi déjà le groupe électrogène. Les ménages aussi ont commencé parce qu'il y a beaucoup de coupures. C'est ça, parce que ces groupes électrogènes, pour les entreprises, c'est quand même un coût. Faut avoir la machine, faut avoir le diesel. Donc c'est pour ça fait un coût et du coup, ça réduit leur marge, leur profit. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est des solutions à petite échelle, à l'échelle de l'entreprise, mais à grande échelle, au niveau de la production générale d'électricité, au niveau de la production du Cameroun, est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées? Nous proposons à l'État d'intensifier les investissements dans la production d'électricité à base des énergies renouvelables comme l'éolienne, puisque le Cameroun a un climat vraiment diversifié. Il y a des grands vents qui soufflent dans le nord et à l'ouest du pays. Il y a des grands vents qui soufflent à l'ouest du pays. Et au nord, il y a de l'intensité solaire est vraiment énorme. Donc, nous proposons au gouvernement d'intensifier la production de l'électricité à base de l'éolienne et du solaire, en réduisant les taxes sur les produits à l'importation pour permettre aux particuliers, par exemple les entreprises, au lieu d'utiliser encore le groupe électrogène, ils peuvent s'approprier des centrales solaires. Et ce sera même non seulement bien ça va réduire pour l'environnement parce que le groupe électrogène n'est pas aussi. Au niveau de l'environnement, ce n'est pas très, très propre. Donc, en utilisant, en implémentant ces solutions, si ça pourra permettre aussi aux entreprises et aussi à l'État de réduire le taux de pollution. Bon, nous proposons également que lorsqu'il y a des grands projets d'investissement en infrastructure, des constructions de grands barrages hydroélectriques, l'État pourra aussi créer des zones, des missions d'aménagement et de gestion des zones industrielles autour de ces grands barrages en faisant comment en investissant dans les infrastructures de communication, de transport autour de ces grands barrages pour créer une sorte de Silicon Valley, donc c'est-à-dire permettre aux investisseurs de venir autour, de venir construire des grandes entreprises industrielles autour de ces grands barrages pour permettre de réduire aussi les coûts de transport d'électricité et tout. Et ça va permettre aussi de créer d'autres zones urbaines. De créer des zones urbaines et de décongestionner les grandes villes comme Douala qui sont déjà très peuplées. Donc, l'idée, c'est de regrouper, de favoriser l'implantation des industries autour des sites de production d'électricité pour réduire les coûts des infrastructures de transport d'électricité. Bon, pas vraiment, bon, aussi, on peut dire, mais également puisque ça va permettre de. Il y aura d'autres investissements en dessous. Donc, par exemple, il va falloir aussi investir dans les infrastructures de transport, les infrastructures de communication. Mais il y aura un avantage. L'avantage sera le fait que le développement urbain va s'étendre de ce côté-là, puisqu'en créant des entreprises là-bas, on va aussi, ça va permettre, ce sera un double avantage, ça va permettre de décongestionner les grandes villes. Et bon, ce sera un peu comme une Silicon Valley, je crois, des zones attractives. Oui, en même temps, ça va attirer la population. Les gens qui travaillent là vont venir habiter dans cette Silicon Valley en même temps. Oui, ce sont des zones attractives pour les investisseurs. D'accord. Et est-ce que ce projet, est-ce que c'est votre projet de recherche qui de voir un petit peu ces stratégies, mais est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est mis en place par le gouvernement? Bon, pour le moment, ce n'est pas encore, c'est pas encore mis en place, mais ce sont mes études, ce sont mes études de recherche, donc ce sont des solutions que je propose. Pour le moment, ce n'est pas encore implémenté. Bon, je proposais aussi que puisque les coupures aussi sont souvent très intenses en saison sèche, je proposais aussi de revoir le d'assainir les drains des barrages, donc c'est-à-dire de nettoyer les drains des barrages pour permettre en saison sèche qu'il n'y ait plus trop de coupures. Oui, puisqu'en saison sèche, généralement, les coupures sont très intenses et on va dire c'est parce qu'il y a étiage, mais en nettoyant, en faisant un nettoyage régulier des drains, je me dis les coupures ne seront plus autant énormes. Ouais, il y a aussi une solution de ce côté-ci, effectivement. Ben, merci beaucoup, Yvette, de nous avoir transporté chez vous et fait réaliser la valeur d'un approvisionnement fiable en électricité comme on en a un au Québec. Merci beaucoup, Yvette. Merci Valérie. Alors, je rappelle que Yvette Adjoa est étudiante au doctorat à l'Université de Maroua dans le nord du Cameroun. C'est la fin de Futur Simple, mais je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas que nous sommes à quelques jours du grand événement annuel de CKRL 89.1, c'est-à-dire le Radiothon, et qu'il vous reste 3 jours d'ici le 27 mai pour faire un don pré-Radiothon avec la possibilité de gagner un prix du Lopin de Terre ou de la boutique Le Pédalier. Et sur ce, je vous laisse maintenant avec l'aérospatiale sur CKRL 89.1. Quand-ils pensent à quelque chose, pensent-ils comme des cakes? Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose? Ou pensent-ils leur plaît? Jolie dame, dans